Conte de fées en français. Princesse fée. Il était une fois un roi qui venait d'avoir une jolie petite fille. Il la trouva si jolie à sa naissance qu'il l'appela Princesse fée. Tout le monde à la cour et dans le royaume accepta ce prénom un peu original. Mais une fée qui s'appelait Largi n'apprécia pas ce choix. Comment a-t-il osé appeler son enfant Princesse Fée alors qu'elle n'est qu'une humaine normale? Je ne vais pas tolérer cette insulte! Je vais donner une bonne leçon au roi! Ainsi, quand Princesse Fée eut à peine 8 ans, Largi apparut sous la forme d'une vieille dame et kidnappa l'enfant tandis qu'elle jouait dans les jardins du palais. Elle amena Princesse Fée dans un beau palais et la fit travailler là-bas en tant que servante. Princesse Fée, mon œil! À partir de maintenant, tu t'occuperas du feu et tu t'assureras qu'il ne s'éteint jamais! Et s'il s'éteint, je t'enverrai le récupérer auprès du monstre Larconi, tu as compris? Et Larconi adore transformer les humains en pierre! Les années passèrent. Princesse Fée grandit et devint une jolie jeune femme. Un jour, elle marcha devant une fontaine dans le palais quand elle vit un arc-en-ciel se transformer dans l'eau qui coulait. Elle se tint devant pour regarder quand une voix s'adressa à elle. Princesse Fée, je te regarde évoluer dans ce palais depuis plusieurs semaines maintenant. Tu veux bien rester et me parler un peu? Es-tu un arc-en-ciel? Oui, c'est ça. La fée de ce palais a voulu se venger de mon père, qui était un roi. Alors, elle m'a kidnappé et emmené dans ce palais loin de chez moi il y a des années. Et maintenant, elle m'a jeté un sort et m'a amené ici, sans mon corps. Je peux seulement parler, en tant qu'arc-en-ciel aux 7 couleurs. Oh! Eh bien, mon père est aussi un roi. Et la fée m'a aussi kidnappée. Depuis que je suis arrivée, je n'avais encore jamais rencontré personne. Moi non plus. Depuis qu'elle m'a kidnappée, mon corps est prisonnier d'un sommeil magique. Je peux seulement te parler maintenant, parce que mon corps n'est pas là. Moi non plus, je n'ai parlé à personne depuis des années. On peut être amis? Oui! Ça me ferait vraiment plaisir. C'est tellement bien d'avoir quelqu'un à qui parler. Mais qu'est-ce que c'est que cet horrible sort supplémentaire qu'elle va t'imposer? Je ne sais pas très bien. Tout ce que je sais, c'est que ce sort ne pourra être rompu que si mon corps est réveillé. Mais je ne sais même pas où se trouve le palais dans lequel je me suis endormi. J'ai juste entendu Largi dire que le palais est plus loin que le château de Larconi. Bref, tu avais quel âge quand on t'a emmené ici? Et c'est comme ça que le prince arc-en-ciel et la princesse fée se rencontrèrent tous les jours pour partager leur tristesse, se réconforter l'un l'autre, rire et se faire des blagues. Cela dura pendant une longue période et ils finirent par tomber amoureux. La princesse fée s'inquiétait de cet horrible sort que Largi s'apprêtait à rajouter sur le prince arc-en-ciel. Est-ce que tu sais quand Largi va te jeter le sort? Non. Largi jette souvent ses sorts les plus importants lors de la 5e pleine lune de l'année. Et c'est dans seulement 3 jours. Je vais essayer d'aller réveiller ton corps dans ce palais. Ma chérie, on ne sait même pas où se trouve ce palais. Si ce n'est qu'il faut traverser le repère du monstre Larconi pour y arriver. En plus, ce sont des sorts magiques et nous ne sommes que des humains. Comment vas-tu les rompre? Je ne peux pas te laisser y aller. C'est trop dangereux. Je ne te demande pas la permission, tu sais. Mais je ne supporte pas l'idée que tu risques ta vie pour moi. Et moi, je ne supporte pas l'idée que quelque chose d'atroce puisse t'arriver. Regarde, je ne sais pas comment je vais faire, mais je n'abandonnerai pas avant d'essayer. On sait déjà que ce palais où ton corps est endormi se situe au-delà du repère du monstre Larconi. Alors, c'est par là que je vais commencer. Non, ce monstre transforme les humains en pierre. S'il te plaît, reste simplement là avec moi. Comment est-ce que je pourrais demander à Largi de me montrer le chemin jusqu'au repère du monstre? Ah! Je sais exactement comment faire, oui! princesse fée éteignit le feu, car elle savait que ça mettrait Largi en colère. Tu as laissé mourir le feu? Tu sais pourtant ce que j'avais dit et que je te ferais si cela devait arriver. Je suis désolée. Non! Maintenant, tu vas devoir aller le récupérer dans le repère du monstre Larconi dans la forêt. Prends ça! Ramène-moi une belle flamme dans ceci. Enfin, s'il ne te transforme pas en pierre avant, ma chère. Pas perturbée pour un sou et déterminée, la fée princesse se mit en route pour le repère du monstre Larconi. Elle marcha dans la forêt sombre et soudain, elle vit un daim passer. Il se retourna et s'adressa à elle. Pourquoi une humaine comme toi se trouve dans cette forêt? En fait, je dois me rendre au repère du monstre Larconi. Le monstre transforme les humains en pierre. Il ne te laissera jamais repartir vivante. Il y a forcément un moment de la journée où il est dehors, non? Je rentrerai dans son repère seulement à ce moment-là. C'est malin, mais c'est risqué. Pourquoi risques-tu ta vie pour quelqu'un d'autre? Tu n'as pas peur? J'ai peur pour moi et pour le prince aussi. Et c'est pour ça que je ne veux pas abandonner avant d'avoir essayé. Il faut que j'y aille, vraiment. Alors que la princesse fée était sur le point de repartir, le daim se changea soudain en une superbe fée. J'aime beaucoup ton courage, princesse fée. Alors je vais t'aider. Prends ça. Utilise ce qu'il y a dedans seulement si tu n'as pas d'autre choix. Et souviens-toi bien, tu ne devras ni manger, ni dormir avant d'être arrivé au palais où dort le prince. Est-ce que tu as compris? Quoi qu'il arrive, n'aie pas peur et n'abandonne jamais. C'est compris? Merci beaucoup! Je vais faire comme tu m'as dit. Princesse Fée reprit sa route. Elle trouva le repère du monstre Larconi et attendit derrière un arbre qu'il sorte un peu. Au bout d'un moment, elle le vit sortir dans les bois. Alors elle se rua à l'intérieur où elle entendit un énorme grognement diabolique juste derrière elle. Tu ne pensais pas pouvoir rentrer chez moi sans que je le sache, non? S'il te plaît, laisse-moi partir! Laissez partir une possible si jolie pierre! Ne t'approche pas de moi! Elle n'avait plus de solution. Elle mit sa main dans le sac et sortit ce qu'il y avait dedans. Immédiatement, il y eut une lumière si vive que le monstre fut aveuglé et la princesse fée put alors se ruer dehors. Puis, la princesse fée arriva dans un autre bois. Au loin, il y avait un château. Au moment où elle le vit, elle se sentit soudain affamée et morte de froid et fatiguée comme elle ne l'avait jamais été avant. Non! Je ne dois pas dormir. Il faut que je continue. Si je ne mange pas et que je ne dors pas non plus, je vais mourir. Mais je ne peux pas arrêter maintenant. Non! Soudain, un démon apparut devant elle. Tu as faim? Tu aimerais manger ça? C'est trop bon en plus. Non! Il faut que j'avance encore. Même fatiguée, affamée et au bord de l'endormissement, Princesse Fée avança. À chaque fois qu'elle s'accrochait à un arbre pour s'aider à marcher, un autre démon apparaissait pour lui proposer un fruit juteux. Tu as faim? Tu aimerais manger ça? C'est trop bon en plus. Tu as faim? Tu aimerais manger ça? C'est trop bon en plus. Tu as faim? Tu aimerais manger ça? C'est trop bon en plus. Et à chaque fois qu'elle refusait de prendre le fruit proposé, une épine venait la piquer. Mais elle continuait encore de marcher. Oh, je n'abandonnerai jamais! Elle alla au bout de ses forces pour atteindre le château. Quand elle arriva enfin, les portes étaient fermées. Elle essaya de forcer la serrure, mais en vain. Alors elle vida son sac et elle y trouva une clé. Elle l'inséra dans la serrure. Et elle se retrouva instantanément dans une pièce magnifique. Au milieu de la pièce était étendu le corps du prince arc-en-ciel, endormi. Est-ce que c'est le prince? Elle alla auprès de lui pour le secouer. Il ne bougea pas. Ah, comment faire pour le réveiller? C'est un sommeil magique et seule la magie peut y faire quelque chose. Elle ouvrit encore le sac et sortit ce qu'il restait dedans. Il y avait un petit violon qui s'agrandit tout seul et se mit à jouer la plus jolie mélodie qu'il soit. Une mélodie qui mimait le chant des oiseaux et la paix de l'aurore. Le prince remua et se réveilla enfin. Princesse fée, mon amour, tu m'as trouvée. Je t'avais dit que je n'abandonnerais pas avant d'avoir essayé. Tu as risqué ta propre vie pour sauver la mienne. Tu m'as sauvée. Merci, merci mille fois. Soudain, on entendit un son cérémonial et une belle reine arriva, suivie d'une procession d'hommes et de femmes nobles. Maman! Mon fils! Tu es enfin réveillé! Maintenant que son sort est rompu, Largi ne pourra plus jamais faire de mal à un humain! Oui! Comment est-ce que c'est arrivé? Le prince arc-en-ciel raconta à sa mère comment la princesse fée lui avait sauvé la vie et combien ils étaient amoureux. Ils racontèrent aussi à la reine comment elle avait été kidnappée dans son royaume. Un message fut immédiatement envoyé aux parents de la princesse fée. Ils furent fous de joie de savoir leur petite fille vivante. Les familles furent ravies de leur rencontre et préparèrent le grand mariage du prince et de la princesse. Et oui, ils vécurent heureux pour toujours. Leur histoire aura montré ce qu'on peut faire quand on n'abandonne jamais et qu'on se concentre seulement sur la réalisation de ses rêves les plus chers.